Donc on est à Rouen et c'est la manif a démarré avec en tête de manif le cortège gilet jaune, ce qui est assez remarquable étant donné les liens qu'il y avait auparavant entre syndicats et gilets jaunes. Et ben, là aujourd'hui c'est très très différent. Pour un collectif de radio associative, vous voulez dire pourquoi vous êtes là ? Moi, je suis là comme tout le monde, parce que j'en ai marre de ces politiques, de ces voleurs, de ces escrocs. Mon rêve, c'est de les voir tous en prison. Vous êtes gilet jaune ? Je suis au démarrage, je suis gilet jaune, oui. À fond. Et à la suite, ensuite, vous êtes quoi ? Et là, je soutiens les cheminots, parce que pour l'instant, c'est eux qui tiennent la route. Mais là, les gilets jaunes reviennent en force. Et puis j'espère que ça va péter à la gueule de Macron et à sa bande. Et qu'on va finir par tous les mettre en prison. C'est tout ce que j'espère. Votre prénom, c'est quoi ? Rabat. Merci Rabat, bonne manif. Merci.